3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh. Sup, no. Stop. Give her what she wanted through to Sunday. Et 1 et 2 et c'est tout. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Épisode 135, nouvelle semaine, nouvelle émission. Mais toujours la même équipe, la fine équipe, toujours accompagnée de Seb, a.k.a. Choubix le Gaulois. Comment ça va, Seb? Ça va sans aller. Hein. Semaine délicate dans tous les aspects. Voilà. Bon, eh oui, on va en parler. Mais bon, elle aurait pu être mieux cette semaine. Et il y a des petits éléments qui nous chagrinent dans tout ça, et on va avoir l'occasion d'en parler. Une saison régulière, c'est jamais un long fleuve tranquille, encore moins quand on est supporter des New York Knicks. Et ce début de saison, eh bien voilà, il nous livre tout un tas d'émotions, tout un tas de réactions, tout un tas d'observations. Eh ben, on est là pour en parler, une fois de plus, sur KNFTV, votre rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne de l'association. On ne perd pas de temps, hein, parce que vous le savez, il y a, comme à chaque fois, beaucoup de choses à se dire. Donc, pour l'épisode 135, c'est parti, on lance le petit jingle et on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière sur la planète Orange & Blue. Let's go. Alors, comment était la semaine dernière? On va en parler, et puis surtout, on va vous parler du retour. Et le retour de qui ce soir? Jalen Brunson? Non, pas encore. Non, le retour des KNF Viewing Party. Eh ben oui, ça y est, c'est parti, on approche durement de l'hiver, winter is coming, comme diraient certains, et c'est l'occasion pour nous de vous retrouver. On avait fait une KNF Viewing Party pour la pré-saison, oui, rappelez-vous, Abu Dhabi, ça paraît déjà très très loin, ce désert, ces petites virées à dos de dromadaires ou chameaux, je sais plus trop quels étaient ces animaux un peu bizarres, sur lesquels on a pu voir du Ewing, du OG Anunobi, du Landry Shamet, ouais, Landry Shamet aussi, il était dans le coin. Et bien voilà, là on est reparti sur de la saison régulière, les bons vrais matchs qui comptent pour de vrai, hein, pas pour du beurre de cacahuète, ça sera pour un match de saison régulière face au Orlando Magic. Ah, le Orlando Magic, on les a eu la semaine dernière. Le Orlando Magic, on les aura peut-être cette semaine. Décidément, on joue tout le temps le Orlando Magic. Et bien voilà, ça sera en tout cas une confrontation de haute volée, peut-être de haut du classement. À voir d'ici là comment la conférence Ouest évolue. Ça sera le dimanche 7 décembre à partir de 17h30 qu'on aura le plaisir de vous accueillir sur notre repère habituel, le Hideout Paris Gare du Nord. Les habitués connaissent ce repère. Les nouveaux sont bien sûr les bienvenus. Voilà. Save the date, comme on dit. Tous les détails sont bien évidemment sur knicksnationfrance.com. On aura l'occasion de festoyer ensemble. On espère qu'on célébrera les Knicks. Malheureusement, la semaine dernière, eh bien voilà, ça a été un petit peu compliqué sur plein d'aspects. Il y a deux semaines de ça, on avait à ma formation de la disparition de Lenny Wilkins. Eh bien, cette semaine, on a appris la disparition de Michael Ray Richardson, un ancien Knickerbocker, un joueur drafté par les Knicks, qui a encore quelques petits records à sa propriété. Et voilà, qui malheureusement nous a dit au revoir. On a appris la disparition. Alors encore une fois, c'est cette fichue maladie du cancer qui a eu raison de notre bon vieux Michael Ray Sugar. Sugar, c'était son surnom. Un joueur atypique, un personnage à part entière d'Enix, un personnage à part entière de la Ligue, qui a marqué de plein de façons la Ligue et l'histoire du basketball au sens large. Bien sûr, on se souvient de cette histoire, de le fait d'avoir été banni par la Ligue, par David Stern, pour des problèmes d'addiction à la drogue. Un Michael Ray Richardson qui a lutté contre ce démon toute une partie de sa vie. Ça a été compliqué pour lui. Et il nous a dit au revoir à 70 ans. Donc c'est avec une émotion particulière que certains, on pense entre autres à Jacques Monclar, qui l'ont connu de très près, mais également une partie du public français, parce que notre ami Michael Sugar Ray Richardson a eu l'occasion d'évoluer dans différentes équipes. On ne parle pas de franchise chez nous. Les franchises, on laisse ça pour les États-Unis. Mais c'est un joueur qui a pu étraîner ses baskets du côté d'Antibes, mais également de Cholet. Et oui, rappelez-vous, Pitch Cholet. Et qui a gagné un titre de champion de France hein, avec Jacques Monclar, David Rivers, si je ne dis pas de bêtises, à la fin... des années 90, voilà, donc un personnage atypique. Un joueur qui a été comparé assez tôt, à qui ça? À Magic Johnson. Oui, c'est dire un peu la qualité du joueur quand il est arrivé dans la Ligue, dans la NBA. Drafté devant Larry Bird, oui, aussi, il ne faut pas l'oublier. J'allais dire, ouais. C'est dire quand même le calibre du garçon, le potentiel. On était dans une toute autre époque, à la fin des années 80, enfin début des années 80, pardon. Et un joueur bah, qui a réussi à trouver de quoi briller, performer. Malheureusement, les tentations du côté de New York, la nightlife a eu raison de lui aussi. Et c'est tristement qu'il a été tradé à Golden State contre qui ça? Bernard King, une autre légende d'Enix. Et voilà, on se souviendra aussi un petit peu moins pour nous de son passage au New Jersey Nets, mais pour autant, un joueur qui a réussi à avoir une certaine forme de rédemption dans cette ligue et devenir All-Star aussi. Donc voilà, un joueur touchant, un personnage touchant et une disparition assez triste qui a frappé les Knicks fans, la famille des Knicks fans à la fin de la semaine dernière. Je sais pas si tu veux rajouter quelques mots pour Michael Sugar Ray Richardson. Son palmarès, on peut faire un petit point de enfin en tout cas son palmarès dans la ligue américaine. Tu as dit donc il a été drafté en 1978 en quatrième choix de la draft. Donc tu l'as dit hein, devant Larry Bird, et le premier choix était Michael Thompson, le père de Klay Thompson. Dès sa deuxième saison, il est All-Star. C'est quand même fabuleux, je veux dire, un sophomore All-Star. All-Star et première et team défensive. Il a remporté trois fois dans sa carrière, donc il a passé, je crois, 9 ans dans la Ligue. Et il a remporté trois fois le titre de meilleur intercepteur, dont quasiment deux fois avec les Knicks. Une année, il a tourné son année All-Star, son année sophomore, en 15 points, 3 ballons volés et 10 passes. Belle ligne statistique. Voilà, donc non, comme tu l'as dit, c'est un personnage, c'est une figure des Knicks. Durant cette époque-là, qui était pas non. On était post-équipe des années 70 qui brillait, donc là, voilà, on tombait pas dans l'anonymat, mais c'était des années compliquées jusqu'à l'arrivée de Patrick Ewing. Donc voilà, non, quelqu'un important après qu'il est arrivé au championnat de France. Ouais, voilà, un peu brutal ça, l'annonce de son décès, quoi. Oui, puisqu'on avait l'occasion de le voir, entre autres, il y a quelques années de ça, sur les plateaux de Beansport, dans le Sunday Live, sur le plateau, et il semblait plutôt en forme. Donc malheureusement, la maladie l'a rattrapé, l'a fauché. Voilà, une histoire particulière. Vous retrouverez facilement tout un tas de documentaires sur son histoire, sur sa vie, parce qu'il a un peu fait office, entre guillemets, de bouc émissaire dans la lutte contre la drogue au début des années 80 par le nouveau commissionnaire qui était David Stern, qui a aussi qui nous a quitté il y a quelques années. Et voilà, un joueur que je disais coaché par Willis Reed. Oui. Une autre légende des Knicks, comme quoi la transmission était importante à l'époque, quand on essayait. Car Willis Reed était entraîneur des New Jersey Nets. Et avant, voilà aussi après, comme quoi il y avait un petit peu de proximité entre ces deux franchises de New York et du New Jersey. Et voilà un Michael Ray Richardson qui était aussi un petit peu comparé, espéré en étant le nouveau Walt Frazier, la légende inoxydable d'Enix, de la franchise. Donc voilà, on ne pouvait pas commencer l'émission sans lui rendre hommage. Et c'est logiquement que nos pensées vont vers lui et vers sa famille pour cette récente disparition. Bon, on va essayer et on va espérer que la semaine prochaine, on ne rentre pas encore sur des hommages. Mais on va parler d'une autre disparition. Et bien, c'est Kylie Jenner, ça y est, c'est fini. Sans transition aucune, et pour reprendre un ton un peu plus léger. Voilà, Timothée Chalamet et Kylie Jenner, la belle histoire d'amour est terminée. On a pu... les voir pendant la campagne de playoff, c'était mignon, c'était joli, c'était sexy, pourquoi pas pour certains. Mais voilà, l'histoire d'amour, c'est terminé. On a pu voir un tweet de Timothée Chalamet qui parlait pas de Kylie Jenner, mais qui parlait de Karl Anthony Towns. Donc rassurez-vous, l'amour pour les Orange and Blue reste pour Timothée Chalamet. Pour Kylie Jenner, on ne sait pas si on la reverra au Madison Square Garden de sitôt ou peut-être au bras d'un autre beau gosse, je sais pas. À Non, voir, mais à c'est voir. peut-être qu'il va retrouver le chemin des parquets. C'est sûr que pendant les playoffs, tout de suite, il y a quand même la lumière, il y a les paillettes. Donc on voyait beaucoup Timothée Chalamet qui s'enjaillait comme jamais lors de cette campagne. Et bon, ben là, il vient plus. Là, il vient plus. On le voyait plus sur les parquets. Alors peut-être qu'en effet, ça se passait mal avec Madame. Donc là, peut-être maintenant, il aura du temps libre. Peut-être qu'il reviendra au Madison Square Garden. Peut-être. Peut-être, qui sait, il était peut-être très fan de Tom Thibodeau et peut-être qu'il a un peu aussi du mal avec cette rupture. On ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, tous nos messages de soutien Ça fait vont aussi à sens. Timothée Ça fait sens. et Kylie, si tu veux, on s'appelle. Bon, voilà, on reprend le sens et l'humour. J'espère qu'il nous caractérise. Ce n'est que du jeu, tout ça. Et bah, nouvelle formule aussi, nouveauté de la semaine dernière, eh bien c'est le City Edition. Bah oui, nouvelle saison, nouvelle tenue pour les Knicks et nouveau parquet. Bah oui, pour aller avec l'ensemble. Tout ça designé par la Marquise. Un petit ton un petit peu crème beige pour ce nouvel uniforme des Knicks qui est disponible, vous vous en doutez bien, déjà sur les plateformes type NBA Le Store. Donc si vous parquet voulez vous faire plaisir, allez-y. C'est moins cher que du kiff. magnifique. Hein. Le parquet, t'as aimé, t'as Ah, kiffé? le parquet, je l'ai trouvé magnifique. On a eu Avec ce droit. logo du centre vintage sans Ah le triangle. ouais. Mais cette semaine, on a eu droit donc à deux parquets différents. Mais celui-là, donc le City Edition, bon, le maillot est épuré, a un goût fin 90 et très beau. Et le parquet, je l'ai trouvé magnifique, comme tu dis. Le logo vintage, donc des années 80, quoi, au milieu, Voilà, magnifique. tu nous donnes la transition avec Michael, par exemple. Ouais, et puis les petites inscriptions très légères au niveau de la ligne à 3 points. Enfin, le parquet, je l'ai trouvé une vraie réussite. Les parquets clairs, c'est très beau. Tu vois, en comparé au parquet après d'ailleurs de la Cup. Bah, le parquet de la Cup, c'est autre chose, hein. C'est tout de suite plus coloré, hein. Ça agresse les yeux. Et encore, on n'a pas le pire. Parce que je crois que Celui de c'est. Minnesota, Il y a les Wolves. C'était Minnesota ou Milwaukee, là. Il y a un vert, là, qui te. Il y a un vert jaune, Oh, jaune ouais. fluo, c'est Minnesota, quoi. Ah, ça Effectivement, agresse la rétine, c'est. semble-t-il, ils ont coupé la lumière dans la salle puisque le parquet est suffisamment fluorescent pour. Et on se demande comment les joueurs font pour jouer sur le terrain. Ça doit être assez particulier. Ouais, ça va être bizarre. Mais Mais là, en en tout tout cas, cas, sur la version City, c'est ouais. plutôt réussi Beaucoup et aimé. on Beaucoup, valide beaucoup, beaucoup aimé. clairement. Moi, j'avoue que j'adore le jersey. Je trouve encore plus sympa porté aussi par les joueurs. Voilà, il y a quand même quelque chose de plutôt réussi à mon sens. J'aime bien. Je cache pas que j'aime bien aussi la version noire. Donc, il va falloir voir où on en est en termes d'économie. Appeler le banquier pour voir ce qu'il est possible de faire pour les fins d'année. Mais voilà, on a plutôt de belles réalisations cette saison. Bon, ça, c'était la nouvelle formule cosmétique. Au rayon du changement de formule cosmétique. Bah, la NBA aussi, on nous en avait parlé, ils voulaient revoir un petit peu la formule du All-Star Game parce que bah ouais, ça avait pas trop marché. Et ils se sont dit tout de suite, allez, on va faire le monde contre les États-Unis. Ouais. Enfin, on va faire le monde contre les États-Unis, on va faire un tournoi avec quatre équipes, et dans les quatre équipes, il y en aura une avec une équipe de joueurs internationaux. En gros, à peu de choses près, c'est la même formule que la saison dernière, qui n'avait pas non plus montré énormément de succès. La saison dernière, c'était la team Chuck, Kenny Smith, et puis et puis je ne sais plus quel était le quatrième coach, qui avait composé les équipes. Bon, au final, ils étaient déjà un petit peu dans l'anticipation. Ils nous avaient fait une équipe 100% de joueurs internationaux. On avait retrouvé notre bon vieux Karl Anthony Towns avec Wemby, par exemple. Et bien là, cette saison, voilà, on risque d'avoir un petit peu une composition de la même mouture, de la même façon. Voilà, des matchs en carton, une sorte de tournoi. Match en Bon. carton ou en carton? J'ai mal saisi Le son. C'est un peu les deux, un carton en carton. À voir, à voir, à voir. En tout cas, la Espérons NBA que se cette cherche année, toujours et. il fasse pas une coupure Pub de 3 heures. de 3 heures juste pour célébrer les commentateurs, ça serait pas mal. Cette saison, ça sera sur NBC. Ça sera sur NBC, donc autre diffuseur américain qui a repris aussi la diffusion cette saison, avec pas mal d'aspects vintage, des anciens jingles qui ont été assez emblématiques à la fin des années 90. Est-ce que effectivement ils auront un meilleur équilibre, pardon, entre le basket et le reste, sachant qu'à la base c'est un événement basket. À voir, à voir. En tout cas, on n'a pas été des masses convaincus, même si d'un point de vue compétition, il y avait un peu plus match la saison dernière. Est-ce que ça sera suffisant pour relancer vraiment l'intérêt et la formule? Adam Silver a entre autres fait part du fait que, bon, les amis fans, vous allez voter pour vos All-Stars préférés, mais s'il n'y a pas le bon nombre, eh ben, je ferai moi-même la sélection. Ok, donc si en plus on, comment dire, travestit la façon dont les joueurs sont élus All-Star, ce qui est à chaque fois la course au pleurnichage dans Mon toutes les joueur, il franchises, est dans plus toutes les beau que le fanbases. tien. Mon joueur, il est plus beau que le tien, le mien. Oui, mais moi, le mien, il a pris plus de rebonds. Oui, mais moi, le mien, il a fait plus de passes. Mais moi, Ouais, le mais mien, moi, il mon est. équipe ne gagne pas. Ouais, mais moi, Ah le oui, mien, mais il est c'est pas bien grave. coiffé. Mais moi, le. Voilà, Moi, le c'est. mien, il s'appelle LaMelo Ball. Ouais, alors. Bon, on Ah. verra. En tout cas, ça promet encore des discussions et un événement qui se perd un petit peu, qui se perd. Et voilà. Est-ce que réellement la formule Le Monde versus les États-Unis, qui se joue entre autres au hockey, et toi qui es fan de hockey, tu sais un petit peu ce que ça vaut, est-ce que ça va sauver la NBA et son All-Star Game? Alors, l'année dernière, ce qu'il y avait eu de bien au hockey, c'est qu'en fait, ils avaient regroupé par équipe, par pays. Donc, tu avais les Suédois, tu avais les Américains, les Canadiens, et c'était les Finlandais. Mais parce qu'aussi, les rosters sont vachement plus gros, et puis il y a des communautés qui sont vachement plus importantes au hockey. Là, au basket, Le monde. non, mais on le redit chaque année. Le monde, ok, très bien le monde. Doncic et Jokic n'ont rien à foutre de cette compète. Mais c'est les joueurs qui décident en fait s'ils veulent le jouer ou pas le match. Donc là, ah oh, mais regardez, on vous a fait des cartons. Ah oh, mais regarde. Au final, les joueurs, certains vont peut-être jouer sur l'ensemble du All-Star. Ils vont peut-être jouer 3-4 minutes, quoi. Ça va s'arrêter à ça. Enfin, à un moment donné, c'est les joueurs qui décident. Enfin, donc tu peux pas mettre des clauses, on le redit chaque année dans ton contrat pour les gros stars, pour les grosses stars en mode, ouais mais regardez, si je suis tant élu, nombre de fois All-Star, je prends tant d'oseille, pour que quand en fait tu arrives à cette compétition-là où tu dois honorer ben, ce titre-là, ben en fait t'es là en mode j'en ai absolument rien à foutre. Donc c'est les joueurs qui décident de toute façon. Mais vu le spectacle qu'ils nous donnent chaque année, chaque année, chaque année, mais en fait, ça représente tellement d'oseille aussi pour la ligue parce que bah, les Ah, les droits rediffusions, télé. les droits, les publicités, les spots pubs qui sont vendus à des milliers d'euros, bah, en fait, la ligue ne peut pas s'asseoir sur ce type de match. Mais on l'a bien vu, de toute façon, les gens le fuient au fur et à mesure, quoi. Ouais. C'est plus un événement attendu comme ça l'était. Encore début 2000, où c'était vachement bien. Début ère LeBron, là c'est devenu de la merde. Et puis c'est tout quoi. En fait, il n'y a jamais eu un All-Star qui était aussi bien que ceux qu'on a connus avant. Donc voilà. Écoute, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est les joueurs qui décident hein, s'ils ont envie de le jouer ou pas le match. Ils pourront faire ce qu'ils veulent. Ils pourraient faire les extraterrestres contre. Enfin. Tiens donc, et oui, la prochaine édition, l'année prochaine, ça sera les extraterrestres contre les USA. Pourquoi Tu pas? vois, non, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait. Enfin, le monde, le monde, t'as 2 à 3 mecs dans le monde qui n'ont absolument rien à faire de cet événement. Je veux dire, tu vas les motiver par rapport à quoi en fait? Ils ont mis de la thune sur la table en leur disant, ah, regardez, on vous donne un petit peu d'oseille. Bon, comme si vous en gagnez pas assez avec vos contrats des centaines de millions de dollars. Et là maintenant, c'est regardez, on vous a raccourci. Maintenant, en fait, c'est plus des matchs, des cartons. Dans pas longtemps, ce sera un street. Enfin, qu'est-ce que tu te dises? Ouais. C'est nul. Mais en même temps, on est toujours là en mode oh tiens, je vais jeter un œil parce qu'on est con aussi. Donc voilà, Bah, parce que ça coûte rien de regarder et en même temps se rendre compte qu'effectivement il n'y a rien de très très plaisant dans tout ça. À voir en tout cas cette formule entre guillemets monde, je dis bien entre guillemets, parce que en soi, s'il y a trois équipes USA et une équipe monde, bah c'est pas les USA contre le monde. Hein. Faut arrêter. Faites un vrai match sur quatre cartons avec deux rosters de 12 joueurs. Vous voulez donner un peu moins de temps pour pas qu'ils se fatiguent, qu'ils se blessent. Pourquoi pas? Et ben étendez le roster à 15, et puis voilà, ou on limite, on met un All-Star par équipe, et puis c'est réglé, quoi. Bref, mais faites un vrai match. c'est vrai. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe en France. On a un match, ça reste un match de gala, il n'y a pas de la défense pendant 3 pendant 4 cartons, peut-être pas pendant 3, et puis sur le dernier, ça se joue un petit peu. Mais il y a cette approche, cette formule qui marche plutôt en France. Voilà, sur les joueurs non hexagonaux, non français, versus les joueurs étrangers du championnat. Et ben pour autant, le All-Star Game français, qui se fait tout sur une journée en plus, ça évite aussi de diluer l'attention des fans, des supporters, voilà, sur tout un week-end. Bon, on n'a pas non plus la même force de frappe médiatique, la même appétence pour le basket sur notre territoire, mais tout se fait sur une journée, sur une belle soirée, une belle et longue soirée. C'est relativement long parfois, mais voilà, en tout cas, ça tient le public en haleine. Là, bah voilà, la formule de la NBA, bah, elle s'essouffle depuis un moment, et on se demande un petit peu quel sera le fin mot de tout ça. Est-ce qu'il y a un moment, il y a une saison, il y a une année, où on dira stop, il n'y a plus, quoi. Il n'y a plus. Est-ce que la NBA arrivera à ce couperet fatidique? Pas moi, On verra. je On pense verra, pas on verra. Qui pour sauver le All-Star Game? les On se demande joueurs, bien. les joueurs. Est-ce que ça serait pas le nouveau pape? En tout cas, Spike Lee s'est rendu au Vatican avec un maillot à l'effigie d'Enix. Alors, bon, Spike Lee, il aurait quand même pu se faire, comment dire, équiper avec les nouveaux jerseys. Parce que le statement de la saison dernière, bon, ok, il est très beau, il est très bien, mais on a changé. On a changé, Spike. Dommage, dans tes valises, t'avais pas le tout dernier. Quand même, ça fait un peu tâche. Mais en tout cas, Spike s'est rendu au Vatican. Spike a rencontré le pape, qui est un pape américain, vous le savez. Enfin, vous le savez ou vous le savez pas, hein, pour les suiveurs de la religion catholique, catholicisme, et qui a fait sa fac à Villanova. Eh ben oui, Villanova. donc voilà. Donc je pense que effectivement, Spike a allumé un cierge et a prié avec le nouveau pape, le pape Léo, c'est ça? Pas Léo Messi, Léon. mais Léo. Non, c'est Léo, Léon. Léon. Enfin, Ah, bah sur le maillot, c'est marqué que Léo. Bon. oui, parce que c'est Léo. Enfin, c'est. Tu sais que. Enfin, les Non, je... pré. Les, non, mais les. Mais non, mais ça. Les prénoms changent selon en fait les endroits où tu te situes dans le monde, enfin entre guillemets quoi. Ah oui, d'accord, ok. Nous en France c'est Léon, je sais pas combien. Enfin voilà, donc là-bas c'est Léo, enfin c'est. À l'américaine. Pop L. Pop L. Pop L, en tout cas, a reçu son jersey. Il a prié, on l'espère, en tout cas, pour qui? Bah, pour les joueurs d'Enix, pour les joueurs de Villanova. Et malheureusement, bah, pour Jalen Brunson. Eh oui. Et malheureusement pour qui d'autre? OG Anunoby. Alors même s'il n'a pas fait Nova, j'espère qu'il a reçu quelques prières pour se rétablir au plus vite. Voilà, la semaine dernière compliquée, c'est pour ça que Seb n'était pas très très jovial. Bah oui, on le comprend. Jalen Brunson qui s'est blessé en fin de match face au Magic. C'était pas Tom Thibodeau qui était sur le parquet, enfin sur le côté. Heureusement, parce qu'il aura encore pris une bonne vieille shitstorm sur les réseaux sociaux. Ça arrive de se blesser. Malheureusement, JB, bah voilà, la cheville, le genou, tout ça un petit peu tourné en fin de match. Un match qui était un peu déjà perdu. On peut se dire, ouais, il aurait pu ne pas être sur le terrain. Bah oui, mais les blessures, ça peut se produire un peu n'importe quand. Et on l'a vu, tout début de match, pour OG Anunoby. Non mais je suis d'accord, mais que quand t'es à plus 25, enfin quand t'es à moins 20, un truc comme ça, et qu'il reste 3 minutes à jouer. Surtout qu'en plus Oui, oui, oui, oui. c'est pas comme s'il avait pas déjà vidé son banc sur un match où nous-mêmes on était où on infligeait un blowout, il avait sorti tout le monde. Je veux dire là, est-ce que vraiment les mecs, enfin tu vois, pour moi ça c'est un truc que je comprends pas à ce niveau-là. Tu te fais éclater, enfin, il reste 3 minutes à jouer, tu tentes pas le diable, en fait. Tu vois, comme tu dis, en plus, il a quand même un jeu en pénétration, Ouais, au physique, là. il finit souvent sur les fesses quand il drive. Donc là, voilà, oui, évidemment, il aurait pu se blesser dès la première minute. Mais il s'est pas blessé dès la première minute. Il s'est blessé dans 3 minutes de la fin d'un blowout. Donc si tu veux, bon, pour moi, ça j'estime que ça peut être des blessures qu'on peut éviter. Voilà, c'est pas des choses qu'on peut éviter. La blessure de Jalen Brunson aurait pu être évitée. Voilà, c'est tout. À voir en tout cas combien de temps ça va le tenir éloigné du parquet. Il a loupé un match. On n'a pas encore de détails sur la gravité de la blessure, sur un Oui, calendrier, enfin si, sur un si. calendrier, je veux dire de retour plutôt. Parce que c'est sa gravité, c'est une entorse de C'est grade grade 1. 1. Donc c'est la moins pire de toutes. Certains disent que c'est 3 matchs, 3, 4. 3-4 matchs, entre guillemets, on va dire une semaine et demie, 2 semaines, un peu comme OG finalement. Une semaine et demie, 2 semaines d'arrêt, machin. Parce que au départ, quand il est sorti du stade, il a été vu avec une botte de marche et des béquilles. Donc c'est vrai que, bon, je pense que c'était aussi pour sécuriser la cheville, Précautionneux. pour éviter de la poser au sol. On sait que lorsque tu fais une entorse, il vaut mieux éviter d'y marcher dessus. Et puis c'est vrai que ce qu'il y avait d'encourageant, c'est qu'entre guillemets, quand il s'est fait mal, il y a eu la faute. Il a mis ses lancers francs et après, il est sorti. Donc il n'y a pas. Voilà. Donc, Il a pu se relever, il est sorti de lui-même, hein, il voilà. n'a pas été porté par ses coéquipiers, il n'est pas sorti en chaise roulante Heureusement, non plus ou non. sur un brancard. Mais voilà, on sait aussi qu'il a les chevilles, comment dire, Surtout que souvent sollicitées. c'était la même cheville qui s'était faite déjà l'année dernière. Voilà, c'est toujours Ah bah le garçon a un premier pas rapide, un footwork assez important, assez fort dans cette ligue, qui fait des dégâts sur tout un tas de défenses. Mais effectivement, il va au contact, il retombe souvent, il ne s'économise pas, le JB, le Brunson. Et voilà, la blessure est arrivée. Ça aurait pu être évitable, on ne sait pas. Voilà, effectivement, Mike Brown aurait pu vider son banc plus tôt, lâcher l'affaire, parce qu'on voyait qu'on n'était pas dans une dynamique où on arrivait à faire quelque chose dans ce match. On va avoir l'occasion d'en parler. Pour OG Anunoby, c'est totalement différent. Ça se produit sur le match qui suit face à Miami. Et puis, sans contact apparent non plus. Alors pour OG, on parle d'une réévaluation de la blessure d'ici 2 semaines. Ça ne veut pas dire un retour d'ici 2 semaines. Peut-être que dans 2 semaines, on va dire, ah, il n'est pas encore prêt. Ouais, et puis voilà, on n'a pas une gravité grade 1, grade 2, grade 3. D'ailleurs, nous-mêmes, nous ne sommes pas des spécialistes en biomécanique et en médecine. Donc, s'il y en a chez nous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette blessure de OG. Mais voilà, c'est un joueur aussi qui faisait un bon début de saison. Cette Enfin, petite, Brunson également. petite déchirure qu'il a eue, c'est toujours ennuyeux, quoi. Moi, je m'en étais fait une il y a quelque temps de ça au mollet. J'avais une petite déchirure au mollet, mais de quelques centimètres, tu vois. Donc, au niveau des fibres, ça, c'est quand même embêtant quand Il y a une ça. gêne, quoi. Il y a une Ben gêne. oui, et moi, à mon niveau, bon, c'était embêtant, mais tu vois, eux, ils sont des sportifs, c'est des sportifs de haut niveau. Bon, c'est sûr que là, tu ne veux pas prendre de risque, qu'à nouveau ça éclate, il faut attendre que les fibres, elles se refassent et tout. Enfin, c'est un bordel. Donc c'est pour ça que là, ouais, il a. Ah, et puis on connaît un peu le caractère entre guillemets fragile, injury prone de OG. Hein. La saison dernière, il avait été relativement épargné. À voir si cette saison, voilà, on peut compter sur lui. Bon, l'effectif est deep. Il y a du banc normalement. Donc on peut espérer voir quelques remplaçants. Est-ce qu'on en a vu sur les matchs où il y a eu ces blessures? Ben, on va en parler. On va en parler. On va faire la rétrospective des 3 matchs de la semaine dernière. Tout ça se jouait encore une fois où ça? Au Madison Square Garden. Vous vous doutez bien, les Knicks invaincus au Madison Square Garden au démarrage de la semaine dernière. Ça commençait avec la réception des Memphis Grizzlies. Des Memphis Grizzlies qui ne sont pas au meilleur de leur forme. Hein, tout un tas de problèmes sportifs et extra-sportifs. Zaki Dean n'était pas présent sur ce match face aux Knicks. Et les Knicks ont tout simplement dominé les débats, hein, je serais tenté de dire, sur cette rencontre. Une victoire 133 à 120, un score finalement pas si... Enfin si, 13 points, c'est quand même déjà pas mal. Mais qui reflète pas forcément le fait que les Knicks ont été vraiment dominants de bout en bout dans cette rencontre. C'est un blowout aussi... J'aurais pas dit ça, moi. Ah, moi j'ai pas vraiment été... Il y a eu un match, mais... J'ai pas vraiment été inquiété pendant tout le long de cette rencontre. La Dis-nous seconde comment toi tu mi-temps, l'as vécu. première mi-temps, ouais, pleine de maîtrise. Avec un Ja Morant, mais d'une tristesse absolue, qui a perdu. Et perte de balle. Il a perdu combien de ballons? Il en a perdu. 8, 9? Tac, tac, tac, c'est où? Je Ouais, crois que c'est. c'était pas 8 ou 9, mais voilà, Je crois que un volume. c'est 8. d'une tristesse au niveau de, enfin, au niveau de ses choix, enfin, bref. Et donc, ouais, mais la première mi-temps, on la domine bien. Et tu vois, je trouve qu'il y a une sorte de continuité entre, et ça fait la liaison, on va dire, entre notre deuxième mi-temps contre Memphis et notre match D'accord. contre Orlando. Là, on était bien dans la première mi-temps. Et ensuite, la deuxième mi-temps, je sais pas ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a voulu. On a joué à se faire peur parce que, ben, à un moment donné, ils sont quand même revenus, ils étaient plus très loin. Heureusement qu'on a donné un dernier coup de collier et qu'on a assuré la victoire, mais c'était pas non plus. Enfin, Ouais. moi. À la mi-temps, on est à 77-54. Et ouais! 77 points inscrits en une mi-temps, c'est énorme. Ça faisait le deuxième match consécutif à plus de Ah 70 points ça, en une pour attaquer, mi-temps. on attaque, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc pour l'attaque, c'est très bien. On avait aussi jusqu'à présent des bons retours de vestiaire, bon troisième quart. Effectivement, celui-ci est le moins bon troisième quart de la série de victoires. Hein, parce que vous le savez et vous allez comprendre que derrière, la série de victoires s'est arrêtée là. C'était le premier match du back-to-back. On n'avait pas notre ami Mitchell Robinson dans le 5 de départ. On n'avait pas Mitchell Robinson tout court. C'est Landry Shamet, tiens donc, qui startait. Alors, pas à la place de Mitchell Robinson, vous le savez, vous en doutez bien. Mais voilà, ça a été suffisant. Il n'y avait pas de Zaguidi en face aussi. Il y avait tout de même un Jared Jackson Jr., Triple G, qui est toujours un beau joueur et. Mais voilà, pas non plus dominant dans les débats sur cette rencontre. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que oui, heureusement que les Grizzlies ne font pas un bon début de match. Oh là là, j'en bafouille, j'en perds mes mots. Mais toutefois, ça a été quand même suffisant pour s'en sortir face à ces Grizzlies. On a une production qui est relativement équilibrée dans le 5 de départ, hein, 32 points pour Brunson, 10 passes, pas mal. Bon, 6 pertes de balles, mais ça arrive, même à d'autres. On a un Mika à 22 points, 7 rebonds, 5 passes. On a un Karl Anthony Towns en double-double à 21-13. On a un OG à 16 points. 4 rebonds, et puis en sortie de banc, eh ben, on a surtout Clarkson encore qui quand il doit shooter, bah, il n'y a pas de problème. 13 points, bien secondé avec un McBride à 9, un Hart qui fait un petit peu tout, 8 points, 4 rebonds et 8 passes. Eh oui, cette présence de Ballhandler aussi en sortie de banc aide fortement. 30 minutes encore pour Josh Hart qui était notre joueur de la semaine, rappelez-vous, la semaine dernière. Le sera-t-il encore cette semaine? On va se le dire dans quelques instants. Mais ouais, voilà, non, moi j'ai trouvé que c'était plutôt une belle prestation. Oui, effectivement, il y a un coup de moins bien sur le troisième quart qui fait que les Grizzlies reviennent dans la rencontre. Mais pour autant, j'ai senti quand même que les Knicks étaient en maîtrise sur cette rencontre, sur ce match. C'est pas constant sur quatre quarts-temps, effectivement. Mais voilà, en face, trop décousu. Est-ce qu'on parle de notre français Gershon qui joue quand même quand il n'y a pas Mitch. Il joue 15 minutes, 6 rebonds, 2 points, une passe. Bon, peut-être ça manque de production au scoring. Et en même temps, quand on le voit sur le terrain, est-ce qu'il est vraiment très sollicité par ses coéquipiers? Est-ce que les ballons lui arrivent? Dans quel poste joue-t-il? Là, plutôt poste 5. Est-ce que c'est vraiment son poste? On s'interroge, on se pose des questions sur Gershon. On va encore savoir un petit peu plus ce que Mike Brown a en tête, comment l'utiliser avec la blessure de OG Anunoby. Mais là, en tout cas, en l'absence de Mitchell Robinson, bon, bah 15 minutes, il a du temps de jeu, on a une rotation à 9. C'est le plus petit temps de jeu en sortie de banc. Hein. Derrière, c'est McBride Juice qui a 16. Et Clarkson à 17. Mais voilà, bon, bah, Gershon, c'est une saison. Une intégration compliquée à New York, je vais dire. Hein, poliment, gentiment. On parle du match du Magic. Les Grizzlies, c'était la première rencontre en back-to-back. Jusque-là, tout allait bien. Le Magic, deuxième rencontre. On avait perdu contre le Magic au Magic à Orlando. Est-ce que les Knicks allaient réussir un petit peu à se refaire la cerise face à cette équipe en jouant à domicile avec la confiance du public et du fait de jouer à domicile? Et bien la rencontre, elle n'a pas bien démarré. Elle n'a pas bien démarré parce que le Magic a tout de suite un peu pris les devants au score. Et pour autant, le Magic a joué une grosse partie de sa rencontre sans Paolo Banchero, qui s'est lui blessé assez vite. Ça aurait pu être un avantage pour New York. New York qui jouait avec Mitchell Robinson, c'était le deuxième match de back-to-back, il avait été ménagé pour la première rencontre. Et ben, il pouvait retrouver sa place dans le 5 de départ pour 17 minutes de points, 8 rebonds. Pas le meilleur match de Mitchell Robinson, même s'il y a quand même cette présence à l'intérieur qui est toujours utile pour avoir des secondes chances. Mais ça a été un match beaucoup plus compliqué, et beaucoup plus compliqué parce que, bah, en termes de titulaire, oui, on a un gros match de Jalen Brunson qui se blesse à la fin. 31 points, 6 passes, 3 rebonds, ok. Derrière, bah, Karl Anthony Towns péniblement en double-double à 15 points, 12 rebonds. OG, 8-4, 8 points, 4 rebonds. Mitch, on l'a dit. Mikal, 6-2. Peut-être que ça a manqué de production offensive côté starter. Et côté banc, bah là, on a pu jouer un petit peu plus large parce qu'on a fini en blowout. Il y a eu du garbage time. Chamet, autrement, 27 minutes, 11 points. Josh Hart, 10 points, 3 rebonds. Clarkson, c'est pas son match. 5 points en 11 minutes. Déjà, petit temps de jeu et petite production. Et puis après, oui, il y a eu 6 points en 5 minutes de Gershon. C'est là où il faut aller chercher un petit peu la production. Si McBride, 9 points. Pas le meilleur McBride non plus. McBride de la semaine. Bon, qu'est-ce qui a cloché? Qu'est-ce qui a manqué dans ce match-là? On a voulu jouer trop l'attaque et on s'est encore une fois oublié en défense. Ce qui a plutôt souri aux joueurs du Magic. Ça fait deux défaites contre le Magic. Là, c'était chez nous. Un match où on n'a jamais vraiment été dans la rencontre en plus, quoi. Non, non, non, tu t'es pas dedans. Manque d'adresse énorme. Manque d'adresse énorme. Jalen Brunson a raté des trucs qu'il ne rate jamais. Je fais référence à un moment donné à ce petit layup en première mi-temps là qui rate. Ouais, À du cercle. un moment donné, ouais, à un moment donné. Et puis après, il a une faute à 3. Il rate deux lancers francs sur 3. Mais ça n'a pas été le seul. Tous ont eu une panne d'adresse. Donc si bien que ben, tu ne peux pas recoller au score. Et le souci, c'est que ben on a une défense aussi qui est assez poreuse à 3. Permissive. Et du coup, en fait, ben, le jour où c'est que tu n'as pas d'adresse, eh ben, tu peux pas te rassurer sur la défense et faire des stops et essayer de grappiller comme ça du temps, du temps, du temps. Et au final, bah, tu te retrouves là. Si tu marques pas 130 points encore une fois, tu gagnes pas le match, quoi. C'est-à-dire que là, on fait 124-107. 107. Voilà, il faut qu'on marque 130, 140 points pour gagner les matchs. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Les Knicks 2025-26, c'est ça le projet. C'est si on marque pas 130 points, on perd. Ben, faut croire. On Ouais, n'est c'est pas pas dans les clair. standards, en tout cas, de production offensive du moment. Justement, on pouvait se demander un petit peu quel était le nouveau style Mac Brown. Voilà, est-ce qu'il y avait des nouvelles philosophies. On peut penser entre autres à la qualité du banc. Là, sur ce banc, bah, c'est pas le meilleur match qu'ils nous font. Beaucoup de shoots à 3 points, des gros volumes de scoring. Alors oui, on est en back-to-back. Il peut y avoir de la fatigue à un moment donné, même si c'est un back-to-back à domicile, ce qui est un back-to-back plus, on va dire, favorable qu'un back-to-back à l'extérieur. On peut avoir ça en tête, mais est-ce que ça répond à toutes les difficultés qu'on a eues sur cette rencontre? Pas forcément. Ça a été compliqué de tenir Wagner, Franz Wagner, ce qui est pas une découverte, ce qui n'est pas une nouveauté. Hein. Il brille sur la scène FIBA, il brille aussi en NBA, mais la paire d'ailiers que sont OG et Mikal, bah, ils n'ont pas réussi non plus à museler cet aspect du jeu du Magic, là où, il faut le rappeler, ils ont été privés de Paolo Banchero pendant une bonne partie de la rencontre. Donc ils n'étaient pas non plus à pleine capacité, à pleine puissance de feu côté Magic, quoi. Mais Donc tu vois, ouais, un match un peu décevant d'Enix. On attendait une réaction, une revanche, quoi. là où ça me fait peur, en fait, c'est les propos que tient Anthony Black à l'issue du match, et où il déclare, il concède, donc en parlant des Knicks, le plus de tirs à 3 points de la NBA, et l'un des pourcentages, nombre de tentatives près du cercle, les plus faibles. On sait qu'il densifie beaucoup la raquette. Oui, ça faisait partie de notre stratégie. À propos donc du nombre de tirs à 3 points pris par le Magic. Donc en fait, si tu veux, les équipes commencent à connaître un peu notre stratégie défensive, qui était fi finalement la même que celle de Tom Thibodeau, hein, rappelle-toi. Tom Compliqué de Thibodeau, défendre le 3. Ouais. ouais, non mais Tom Thibodeau, c'était surtout le contrôle du rebond. Et que quand tu tombes contre une équipe qui va commencer à foutre dedans à 3, ben là, ça devient plus compliqué. T'as pas de rebond si t'as pas de tir non loupé. Enfin, si t'en as moins. Et surtout si en plus nous, de notre côté, en fait, on est en panne d'adresse. Dans ces cas-là, bon, l'un dans l'autre, tu finis par 124-107 et où tu te fais dérouiller à la maison et tu dis, bon, ben ouais, ben, écoute, on n'a pas été bon. Mais OG, ça fait un moment qu'il est pas ouf hein, au niveau de Au son niveau de adresse. l'adresse, au niveau de la réussite au shoot extérieur, ouais. En ce moment, lui aussi, il rentre plus un pélo. Bah, est-ce que sa blessure, justement, c'était un petit peu des signes avant-coureurs d'avoir un joueur qui était sur lequel on tirait beaucoup? Alors bon, on parle moins des minutes, on parle pas des minutes, on C'est parle pas des vrai, non mais rotations en ce début de saison régulière, mais y a une sorte d'hypocrisie là-dessus, hein, c'est-à-dire que oui. on tombait énormément sur Tom Thibodeau et ses rotations. Il faut savoir qu'on est quand même toujours sur une rotation à 9. 9 et demi. 9 et demi, rappelons-nous cette histoire Ben, de demi-joueur. ben, le, de, le On sait pas demi, qui. Enfin. si, le demi, c'est Guerchon Yabouzélé. C'est-à-dire que, et ça, on en a parlé la semaine dernière, et ça, on l'a vu cette semaine, on l'a compris cette semaine. Lorsqu'on est en back-to-back, il va avoir du temps de jeu, il va prendre quelques minutes sur Mitchell Robinson, que Mitchell Robinson laisse. Et 5 là. minutes là. 5 minutes, 5 petites minutes, misérables minutes, Ouais. dont du garbage time. Et 5 minutes qu'il joue là et 6 minutes qu'il jouera contre le Heat. Donc là encore, en fait, il est là le demi, en fait. Mais Oui. sinon, la rotation du banc, la rotation qui sort du banc, c'est Elle a Hart neuf. avec ses 30 minutes. Et après, tu as 15 minutes pour chacun. Tu as 15 minutes pour Claxton, tu as 15 minutes pour McBride et tu as 15 minutes pour Chamette. Chamet. Voilà. Et au final. C'est parce que faisait Tom Thibodeau déjà l'année dernière. Si, c'est juste que les joueurs s'appelaient pas Clarkson. Il y a Bouzélé, mais il s'appelait aussi Chamette quand Chamette n'était pas blessé. Il s'appelait McBride aussi. Ouais. On est sur une rotation à 9 aussi. Donc, alors peut-être mieux équilibré. Effectivement, on va avoir du vrai 15 minutes là où on avait un pénible 6, 10 minutes, 8 minutes éventuellement pour Payne en sortie de banc en backup de Brunson. Là, le backup de Brunson, c'est Deuce, c'est McBride, clairement. D'd'ailleurs, c'est lui qu'on a retrouvé dans le starting 5 pour le match qui a suivi, et on Mais va y venir sur le match de Cup. son temps de jeu à lui a pas évolué en fait. Il est sensiblement comparable à celui qu'on avait la saison dernière. Mika est passé de 37 minutes sous Thibodeau à 35 sous Mike Brown. John Brunson est passé donc lui de John Brunson, il est là, est passé de 35 minutes sous Thibodeau à 34 minutes sous Mike Brown. OG Anunoby est passé de 36 minutes sous Tom Thibodeau à OG à 31 minutes. Donc il en joue 5 de moins, ce qui est quand Alors, même sa pas blessure sur le dernier match là doit changer aussi la mal. Ouais, moyenne. bon après, on est quand même sur des volumes de 12 matchs, donc ça influence, mais non pas non plus genre à 10 minutes Non, près, quoi. mais bah, le fait qu'il ait joué que 2 minutes, bon, ça, voilà. Mais oui, autrement, on a quelque chose qui est légèrement à la baisse. Josh Hart, lui. Josh Hart est passé de 37 minutes. Josh Hart est passé de 37 minutes à 24 minutes. Donc Ah oui. lui, par contre, il a Il perdu sent une. la différence. Voilà. Et lui, il sent clairement la différence. Et Et même si. il l'avait dit en intersaison, qu'en fin de saison, en fin de playoff, il avait plus de jus dans le réservoir. Ce qu'on peut comprendre avec tout ce qu'il avait donné comme effort, la longue campagne de playoff, la longue campagne de régulière, le fait qu'il était titularisé, il se ménageait pas. Donc oui, effectivement, Josh Hart, si on peut le ménager, Je suis bah, mauvaise note. mauvaise idée. Après, ben, McBride est passé sous Tom Thibodeau, il était à 25 minutes. Et sous Mike Brown, il est à 23 minutes. Donc, c'est pas non plus. T'as quand même ces quatre joueurs. Et ça, on l'avait dit, Mikal, Jalen, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby. C'est eux qui se partagent le plus gros du gâteau, avec plus de 30 minutes chacun de temps de jeu. Ce qui est normal, j'ai envie de te dire, pour des joueurs importants d'un roster. Bah, compte tenu du dispositif et de la qualité des joueurs, leur polyvalence et tout, ouais, Et c'est pas faux. après, tu as 5 autres joueurs, Donc, d'ordre chronologique, enfin, d'ordre, on va dire, au niveau du temps de jeu, Josh Hart qui a le plus gros temps de jeu ensuite, Miles McBride, Landry Shamet, Jordan Clarkson et Mitchell Robinson. Donc, t'as 9 mecs. T'as 9 mecs. Et rappelle-toi le communiqué de presse de Leon Rose après le licenciement de Tom Thibodeau, qui parle aussi que c'est important le développement des joueurs. Non, en fait, ben, il fait du Tom Thibodeau. Alors oui, il manage peut-être différemment les temps de jeu, mais c'est une rotation à neuf. Ça change pas, en fait. Ça change pas. Ça Bah change pas. après, contenu du dispositif, effectivement, on reste sur quelque chose de similaire en nombre de joueurs effectifs par soir. Il y aura du Tyler garbage, il Colec y aura peut-être et des fautes, il y aura des Tyler blessures, Colec, mais. gros perdant, parce qu'au début de saison, il jouait un peu, ça n'a pas matché. Ouais, et puis Next. avec la non-signature de Malcolm Brogdon, on s'est dit, ah, Ouais. peut-être que finalement, ça va être lui le backup de Jalen Brunson. Bah non, Il pas du l'a tout. été au tout début. Il a été au tout Ouais, début. mais. Il jouait. Rappelle-toi, il jouait, il avait eu tant de jeux, mais ça. Moi, je le voyais plus longtemps, tu vois, dans le test Mike Brown de Colec. Mais en fait, ça a fait pchit, quoi. C'est On aurait pu terminé. se dire que voilà, ces tests, et en plus le bilan n'est pas si mauvais au niveau des Knicks. Il n'y a pas une situation d'urgence où on se dit, oh là là, on a essayé des trucs, mais on a perdu trop de matchs, on est à la bourre. Non, on est encore bien placé dans le classement de cette saison, cette conférence Est. Il n'y a pas Ouais. d'urgence. Il y a peut-être des matchs qu'on aurait pu, là, typiquement, Après, il faut un mettre. match contre Chicago, un match contre Orlando. Voilà, il y a peut-être des choses qu'on pouvait prendre. Il y avait aussi peut-être un calendrier qui était plus ou moins favorable. Oui. Mais en tout cas, ça n'a pas expérimenté très longtemps. Ça n'a pas expérimenté très longtemps et on Donc. se demande s'il y aura la capacité de retrouver à un moment donné une opportunité. C'est peut-être les blessures qui les apporteront. Eh bien, On aura regarde. l'occasion d'en reparler. Ben justement, ça fait un lien avec le match du Heat où on s'était dit, bah tiens, qui va retrouver la rotation? Bon, Miles McBride, on se doutait que c'est lui qui allait intégrer le 5. Oui. Ça, il n'y avait pas Parce de qu'il est plutôt souci. bon ces derniers temps en plus. Voilà. Et voilà. Et on s'était dit, bah tiens, ben Est-ce que ça va être pourquoi? pas un peu le moment de collecte? Exactement. J'avais tweeté collect time. Bah j'ai retweeté le lendemain. Non, désolé. Non. Et non, ben non, en fait, ça n'a pas du tout été le collect time. Et Comment vous dites? DNP. Ah ok. Coach decision. Ok. tu te dis, ok, d'accord, t'as les six petites minutes de Gershon, mais là, tu es sur une rotation à 8. Attention, on se sent sur le match. Le match contre Le match Miami? contre Miami, il n'y a que 3 minutes de Gershon. Oui, C'est c'est même bon. pas 6, c'est Oui. 3. Bah, moi j'ai 6 minutes. J'ai 6 minutes, 3 points. Je pense que c'est Ah non, 3 pardon, oui, points. non, excuse-moi, je lis à l'envers. Ouais. Effectivement, 6 minutes pour 3 Mais points. Pardon. bon, 6 minutes, c'est vraiment pas beaucoup quand les autres jouent 37, 34 et 33. C'est-à-dire que là, tu te retrouves, vu que tu te retrouves avec des blessés, qu'est-ce qu'il fait? Il resserre encore plus sa rotation. Finalement, bah, c'était ce que faisait Tom Thibodeau aussi. Il faisait Oui. exactement la même chose. Et c'est Donc. pas comme si OG s'était pas blessé sur cette rencontre. Et il a joué 5 minutes, je disais tout à l'heure, il a joué 5 Il a minutes. joué 5 minutes. Donc il y avait de la place pour mettre OG, Yabou quoi. On a 42 minutes de Mikal, on en a 38 Eh de ouais, Cat, on en eh a ouais. 30 de McBride, on en a 37 de Shamet, et limite, c'était très bien. Non, mais c'est normal. Oui, mais c'est normal. Ça, 34 de Hart, 33, mais ouais, effectivement, on se dit, bah, Gershon là-dedans, il est arrivé. Mike Brown, il sait pas quoi en faire. Il a peut-être un problème parce que c'est un joueur non américain. Bon, il en a deux dans son non, roster. c'est Hein. de la connerie, ça. Mais non, faut Il en a deux arrêter. dans son roster. Ça, oui, non, mais ça, c'est nous, Français, qui avons chialé en disant, oh, il aime pas les Français. Arrêtez les conneries. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il veut gagner, quoi, le Mac Brown. Il veut gagner, comme tous les Oui, gens qui sont mais là. il sait Lui, il va dire, strictement pas quoi non, faire de Gershon, quoi. Ben, après, Gershon, on a aussi un profil assez atypique. Il a, au niveau de son physique, c'est vrai que c'est pas non plus, il est pas non plus très grand, mais il est extrêmement massif. C'est pas, tu vois, c'est pas un mec hyper. Dans une ligue américaine, en Europe, ok, mais dans une ligue américaine où ils sont tous monstrueux, tu vois, physiquement. Tu vois, c'est compliqué. Donc, bon, nous, après, on se focus un peu sur Gershon, mais je veux dire, après, derrière, sur le banc, t'as d'autres mecs. Et, ben, en fait, là, tu vois, Mike Brown, il a cette blessure d'OG, ça panique un peu, qu'est-ce qu'il fait? Non, on resserre, rotation à 8. Mais, C'est Josh qui va prendre les minutes d'OG, quoi. C'est là que je me dis, tu vois, justement, l'hypocrisie de tout, des fans, l'hypocrisie des médias, l'hypocrisie aussi des médias FR qui mettaient des cibles sur Tom Thibodeau. Ben là, en fait, donc là, si on a un nouveau ce soir, là, ils vont rejouer contre Miami. On repart sur une rotation à 8. Et ben, je suis curieux de voir ça, tu vois. Mais il est possible en plus. Il est possible. Donc, écoute. Là, on sait qu'il va y avoir 2 semaines au moins Ouais. sans OG Anunoby. Jalen Brunson, c'est un autre poste. C'est d'autres joueurs qui vont pouvoir répondre, essayer de répondre en tout cas pour compenser. On l'a vu d'ailleurs sur ce match face à Miami, c'est du McBride, mais il y a un apport en scoring de la part du banc qui est phénoménal sur cette rencontre. Hein. On n'en a pas encore parlé, mais 36 points de Landry Shamet. Allô? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Lui, il a pris un coup de feu là, il s'est dit, 50. hey, moi j'aime bien ce parquet bleu. 12 sur 19 au tir. Ah Voilà, 6 sur 12 à 3 points, il marchait sur l'eau. ouais. Et c'est vraiment le cas de le dire avec ce parquet aux couleurs océan. Mais au final, Mais je on me a dis. aussi 24 points, 24 points de Clarkson. Non, mais c'est pour On a ça eu que. cette contribution offensive du banc qui s'est vraiment faite sur 3 joueurs. 24 points pour Clarkson, 12 points pour et le Et le triple-double triple-double. Le triple-double pourquoi? de Josh Hart. Donc, si tu veux, ça explique pourquoi aussi ils ont eu énormément de temps de jeu. Ils étaient en feu et ils dominaient. Et dominer le hit. Quelque part, c'était logique de les laisser sur le parquet. Le mec, Tout à fait. il rentre, ben vas-y, en fait, joue, joue, mon Garde ton gars. joueur en forme plutôt Voilà. que de le sortir. Ouais, tu viens de Voilà. scorer, mais non, mais c'est le moment que tu sortes. Non, il n'est pas. Mike Brown n'est pas dans. Autant tout à l'heure, tu disais, il faisait du Thibodeau au sens bah, une rotation à 9, une rotation courte, finalement, déjà en saison régulière, alors qu'il y a quand même un petit peu de personnel en attente. Mais il n'est pas non plus sur les mêmes schémas vraiment Non, stricts de je non. te fais rentrer à tel moment, puis Oui, à tel non, moment. je suis Voilà, il y a d'accord. un peu plus de flexibilité dans l'utilisation Voilà. dans la timeline d'un match. Voilà, Donc son voilà, mec, c'est. il a ses 3 mecs devant là qui sont en train de matcher Ils sont Hung, chauds, puis. ça marche, bah tu les laisses, quoi. Ah voilà, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait et bien il en a pris quand même Et sur cette rencontre. je me demande, enfin, il faudrait que je regarde, mais je me demande presque si sur le 4e carton, il joue pas tout le carton, quoi. Parce que. Chamette, quasi, ouais, je crois. Enfin, il était tellement en réussite et ça complétait plutôt bien. Et donc, ouais, vraiment agréablement surpris de Landry Chamette. On a des sorties à une dizaine de points sur le début de la semaine, mais là, on s'attendait pas à un match où on allait se dire, ouais, s'il y en a un qui doit hausser son niveau de jeu pour pouvoir compenser l'absence au scoring de JB, ça va être Landry Chamette. Alors, ça a été un match en 2 temps. Parce qu'on a eu surtout aussi une incroyable première mi-temps de Karl Anthony Towns. Combien? 33 points, je crois, à la mi-temps. Donc on s'est dit, là, il est parti sur des bases d'un record. Il va faire tomber le record de Melo. Il est en forme, il célèbre, il shoot à 3 points. Lui aussi, il aime bien ce parquet bleu, ce jersey noir. Voilà. Il avait envie de dominer. Il n'y avait pas Bam Adebayo en face. Ça aide peut-être un petit peu. Et semble-t-il, Bam Adebayo ne serait pas là pour le prochain match. Tant mieux, profitons-en. Mais en tout cas, voilà. Karl Anthony Towns était dans un bon soir. Mais c'était un bonsoir en une mi-temps. La seconde mi-temps, bah, ça a été péniblement 6 points. Clairement, il a passé le relais aux joueurs du banc aussi. Chamet était en feu, et donc fort heureusement, il n'a pas tiré la couverture à lui pour rien. Il a été gêné par les fautes, hein, notre ami Kat. Bon, comme assez régulièrement. Mitch qui jouait, Mitch qui a été gêné par les fautes. Hein, voilà, rebond, mais 5 fautes, et c'était compliqué de rester sur le parquet de par toutes ces fautes. Mika, 42 minutes, 15 points, des pourcentages, je préfère pas trop en parler. Voilà, un rôle de connecteur, mais pas non plus. C'est pas lui qui a élevé son niveau de jeu, c'est clairement 4. 39 points, il est pas loin des 40, mais c'est en 2 temps. Voilà, première mi-temps exceptionnelle, deuxième beaucoup plus effacée. Et puis ce banc, quoi. Ce banc, Clarkson, ce banc, Josh Hart, ce banc, Landry Shamet, quoi. Donc est-ce qu'il va falloir compter sur des 36 points de Landry Shamet, des 20 points de Clarkson pour pouvoir compenser l'absence de JB? Ça va être compliqué sur la longueur, sur la distance, quoi. Donc là-dessus. Là-dessus, voilà, très belle victoire en Cup, tant mieux. Alors, c'est pas les ambitions des Knicks dans la Cup. Je ne sais pas si jouer en match de Cup, ça surmotive les joueurs. Les joueurs du Heat étaient appliqués. On a eu un match qui a été disputé tout du long, hein, un gros volume de scoring, hein, 130, 140 à 130. on n'est pas non plus habitué à voir le Heat scorer autant, enfin, du moins par rapport à. Rappeler là, ces histoires, les bagarres, tout ça, c'était pas forcément dans l'ADN premier du Heat de jouer des matchs avec des gros volumes de production offensive. Hein. On n'est plus non plus dans la période de LeBron, Wade et Bosh. Hein. Mais fort est de constater que ouais, il a fallu 140 points pour revenir à bout de ces 130 points encaissés par le Heat. Bon, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions sur. Alors, tant mieux, il y a une victoire au bout. Hein, on peut se poser des questions sur la philosophie de jeu apportée par, par Mike Brown. Ce n'est que, une douzaine de matchs aussi. Il est encore trop tôt pour tirer, complètement des enseignements et des conclusions hâtives. On a un banc qui produit plus, clairement. On n'a pas un banc qui est plus utilisé en profondeur. On a des joueurs qui sont plutôt en forme en sortie de banc en ce début de saison. Espérons que ça dure. On a des gros volumes de scoring. On a beaucoup de comment dire, de mi-temps à déjà plus de 60, 70 points. Combien de temps ça va durer? Est-ce que ça peut durer? Est-ce que c'est viable? Est-ce que l'attaque fait gagner des titres? C'est des questions qu'on peut se poser. Hein. En tout cas, les Knicks, heureusement, ont profité de leur passage au Madison Square Garden. On est tombé sur les propos de Nico Harrison en mode vierge effarouchée. Évidemment que ce qu'il a fait sur le trade de Doncic, c'était n'importe quoi. Ceci dit, je l'ai toujours entendu, moi, cet adage. J'ai pas entendu Nico Harrison de dire que l'attaque fait gagner les matchs et la défense fait gagner des titres. Et ça a toujours été dit, en fait. Tu vois? C'est pas quelque chose qu'il a inventé, en fait, Nico Harrison. Non, c'est pas une invention de Nico Harrison. Et c'est quelque chose qui n'a pas été éprouvé, mais disons que quand tu as eu une attaque, on va dire, moyenne forte et une défense de fer, tu es plus souvent proche de la vérité que lorsque tu cartonnes à tout va, mais que par contre ta défense n'est pas terrible. Ça s'est vérifié. Faut me trouver une équipe NBA qui a été championne avec une défense de merde. Je pense qu'il n'y en a pas des masses. Ouais. Donc, si tu veux. Est-ce que c'est viable cette histoire, tu vois, je te disais tout à l'heure. Est-ce qu'il faut marquer 130, 140 points pour espérer gagner des matchs? T'imagines la folie, quoi. Et puis là, en plus, tu le fais. Sans prolongation, sans prolongation. Sans On a prolongation. 48 minutes. Hein. Et ça, OG et sans Jalen Brunson. Eh, ça va devenir compliqué. Je pense pas qu'Landry Shamet fasse des matchs à 38 points tous les. Enfin, 36 points tous les matchs. On l'a fait une fois, je sais pas ouais, combien de fois on pourra scorer 140 points. Donc, Peut-être que la défense du Heat aussi est toute pourrie, qu'elle est capable d'encaisser 140 points. On verra, on verra. ouais. Après, ils sont tombés voilà, sur un Shamet en feu. Voilà, on verra ça ce soir. On verra ça ce soir. Mais écoute, pour l'instant, je suis assez. Je tire pas de. Je tire pas de conclusion. Mais je suis assez dubitatif sur ce début de saison qui était à notre avantage, hein, parce que. On est sur la conférence Est, on n'est pas sur la conférence Ouest, donc au niveau en fait des confrontations. On a déjà Bon, rencontré une fois les Nets, une fois les Wizards. voilà, c'est tu vois une fois les Wizards. Bon, après le reste, tu vois Chicago, là on voit bien que c'est en train de rentrer dans le rang, ils commencent à perdre beaucoup plus de matchs. Cleveland est en train de remonter, Boston aussi, enfin Boston vivote, mais. Mais si tu veux, au niveau des confrontations avec les équipes de l'Ouest, ça s'est arrêté à Memphis, qui attendent le trade de Morant, et à Minnesota, qui était une belle victoire. Face au retour de. C'était vraiment une belle victoire face à De une équipe Edwards. quasiment au complet. Mais sinon, bon, après le reste, c'est pas non plus folichon. C'est des équipes, normalement, on doit être devant. Donc en effet, là, ce road trip là, de 5 matchs qui se profile C'est intéressant. va être intéressant. J'aurais aimé le faire au complet. Bah oui. Parce que c'est toujours plus sympa de pouvoir tirer des conclusions sur quelque chose de fini. Là, on va dire, ok, ouais, ils ont perdu, mais il n'y Mais a il pas manquait un Jalen, tel. il n'y a pas Mais il manquait un OG. tel. Donc, si tu vois, on va se cacher derrière ça pour expliquer des défaites. Après, S'il y a des voilà. défaites, on n'est pas sûr. Pas sûr. Oui, certes. Mais bon, écoute, on verra. Mais oui, actuellement, les Knicks sont la quatrième meilleure attaque de la ligue C'est bien. et on est la 12e défense. Ce qui est moyen. Mais Voilà. voilà. On Voilà. était combien la saison dernière en fin de saison? En fin de saison, l'année dernière, on était 5, la, je crois. on 5e. est, au, au, à l'offensive, à l'offensive rating, on était la 5e attaque. Ouais, ce qui était pas mal non plus. Et on était au defensive rating, on était la 14e défense. Ce qui était moyen. Ça. Il n'y a pas Y a pas une révolution pour l'instant, si ce n'est dans les volumes de scoring. Le jeu, le ballon bouge plus, tout ça, Oui. on le voit, on l'apprécie. Par contre, on n'a pas haussé le niveau défensif. Alors, on l'avait haussé en playoff et à voir si on aura cette capacité de le hausser encore une fois en playoff, tout en gardant un beau niveau de scoring. On verra tout ça. Hein. Mais effectivement, pour l'instant, le bilan comptable est très bon. Ne tirons pas non plus des alarmes là où il n'y a pas lieu d'en avoir. À Mais voir un peu maintenant comment ça va se passer avec ce nouveau road trip qui se prévisage, présage, et ces blessures qui frappent déjà les Knicks. Qu'est-ce que et McBride même va et faire? même et même pardon, c'est qu'à l'offensive rating, on est troisième, pardon, mais au defensive rating, on est 18e. C'est encore pire que ce que je t'ai dit. Ah oui. À l'offensive rating, on est à 122 points par match, on est troisième. Au defensive rating, on est à 115, on est 18e sur 30. Ok. Tout à l'heure, quand tu disais 12, je trouvais ça pas mal. Alors, vu les volumes de points qu'on encaisse, Non, non, mais ok, d'accord. non. Bah, Voilà. oui, c'est plus. Là au rating et finalement au net rating, donc à la différence entre l'offensive et le défensive, on est à plus 6,9, on est quatrième. Donc notre attaque en fait nous porte clairement. Donc forcément, quand on rentre pas comme contre Orlando, eh ben on coule. Et en fait, eh ben, l'année dernière, on avait un net rating à 4. 5, À 4, ouais. 4,2, on était 8e, 8e sur. Alors, on était sur un jeu, voilà, on est sur du pace, du shoot à 3, oui, il y en a, effectivement. Du coup, des gros volumes de scoring. Forcément, tu redonnes des possessions, mais voilà, la capacité à défendre va Mais tu être sais, sur importante la, et mais tu sais, primordiale. sur la pace, donc l'année Le nombre de dernière, possessions, en gros, quoi, ouais. le nombre d'opportunités de marquer. L'année dernière, on était à 96,7. On était 26e sur 30 l'année dernière. En fait, donc, bah, putain, sur ton On petit jouait bodo, lentement, de voilà. l'ISO, des Bah, systèmes qui vont voilà, on jouait. en fin de possession, On quoi. jouait très sur demi-terrain et moi les transitions. Ouais. Et là, cette année, bah, on est à 99,6, on est 19e. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. On a un jeu un peu plus rapide. Voilà. C'est ce qu'il voulait. Hein. Mike Brown, il a dit, il faut jouer vite. Il faut jouer rapide, il faut jouer vite. C'est ce qu'il avait. C'est vrai que pour l'instant, ça se voit un peu sur la pace. Qui Ça sait un se voit un peu. peu, ouais. Voilà. Mais aussi à relativiser au regard du calendrier et des adversaires rencontrés. Bon, cette rétrospective, on va la terminer tout de même, comme on le fait à chaque fois, chaque semaine, à chaque émission, par le joueur de la semaine. Eh oui. Bon, Josh Hart, la semaine dernière, c'était cool. D'ailleurs, on va sortir quoi? La paire de Tibbs! À qui on l'a remis cette semaine? Je ne sais pas si on sortira cette Tibbs Burland à chaque fois, mais voilà, il y a des joueurs qui l'ont eu. Josh Hart, d'ailleurs, encore une fois, joueur défensif, player of the game. Bravo à lui. Pour l'instant, c'est le seul à l'avoir fait deux fois. Il a la paire complète de Tibbs. Mais cette semaine, nous, on va encore une fois eh ben, remercier, honorer un joueur qui ça du, eh ben, du banc. Un joueur du banc, bah ouais, parce que le banc quand même, il est plutôt efficace en ce début de saison. On a un petit peu l'embarras du choix, on a un Clarkson qui se montre assez régulier, assez offensif aussi. Alors bon, il y a du déchet dans le jeu, voilà, mais monsieur, quand il veut shooter, quand il veut scorer, il sait le faire et il trouve de plus en plus ses marques en sortie de banc. Donc ça, c'est plutôt plaisant. On a un Josh Hart qui a été honoré la semaine dernière, il a encore fait un triple-double. C'est le premier joueur des Knicks à faire un triple-double. Non, le premier joueur NBA de cette saison à faire un triple-double en sortie de banc. Alors bon, faut mettre plein d'astérix derrière. C'est le premier à faire ça et en plus c'était un vendredi et en plus c'était face au Heat et c'est en plus en cup. Les stats à l'américaine, à la NBA, voilà. Mais en tout cas, ça fait un triple-double de plus et il se rapproche ben, du maître incontesté. C'est qui? C'est Walt Frazier. Et ouais, à voir jusqu'où notre ami Josh ira cette saison en nombre de triple-double. Mais non, on va pas l'honorer. McBride, pourquoi pas? Mais finalement, on a décidé de le donner à celui qui l'aura peut-être pas de sitôt et qui sort d'un très gros carton. Et d'un très gros carton en carton, dans des cartons, il a fait des cartons dans des cartons. C'est Landry Shamet. Landry Shamet, voilà, son match phénoménal face au Heat assure une victoire en cup et permet de remettre les Knicks un petit peu dans la course face à cette compétition parallèle, on va dire, qui est la cup. Une belle victoire face au Heat, ça se prend toujours. À voir s'il a toujours la main aussi chaude quand on va retourner en Floride. Mais voilà, 36 points, record en carrière, bah, ça méritait bien un titre Ben de ouais, Fan quand of même. TV. Hein. C'était un match incroyable à suivre. Je veux dire, Si on donne pas là. je pense qu'il pouvait tirer les yeux fermés, ça rentrait quoi. C'était. Si bien que pendant un temps, on s'est dit, mais attends, mais il va aller chercher les 40 quoi. Il va aller chercher Et les là, 40. il en était pas loin. Et 4 rate les 40 sur les lancers francs. Il a Les fait. lancers francs. Ouais, c'est... Mais ouais, il était pas loin. Il était pas loin de faire les 40. Ça aurait été assez incroyable quoi, pour lui. Et ce petit dunk, autant il shoot à 3 points, il nous fait quelques flotteurs, quelques layups, mais il nous claque un petit dunk aussi, tranquille, sur la tête de qui? C'était Kelleher, je crois, ou je sais plus quel joueur. Je crois, ouais. Donc salade tomate oignon, la complète, jambon non, mais fromage œuf, comme vous voulez, mais il y avait tout quoi, il y avait tout ce avec match, ce match. C'était n'importe quoi. Et au demeurant, une belle semaine de sa part, hein, puisque il sort ouais. également 11 points sur le match dans la défaite face au Magic et en titulaire sur le match face au Memphis Grizzlies, il nous sort 10 points aussi. Donc voilà, on a un non, apport régulier c'est, de ce joueur. C'est un joueur qui, tu sens qu'il a la confiance de son ouais. coach. Alors que moi, physiquement, il me paraît toujours frêle et sous-dimensionné par rapport aussi à ses match-ups. Et il se dote défensivement, il essaye ouais. de faire les mais efforts, d'être au contact. Voilà, c'est pas. C'est pas si cata que ça, quoi. Enfin, je veux dire. Mais c'est c'est comme. C'est pas un lockdown défensif, mais, non, mais il est clairement. Il fait les efforts. Mais c'est comme Clarkson. Je veux dire, il amène quand même de l'énergie. Oui, ok, oui, d'accord. C'est pas de l'OG, c'est pas du Mikal, c'est pas du Hart. Qui... Mais je le trouve. Moi, ces deux mecs-là. Tout sauf ridicule. Je vois. Défensivement. Je suis pas en mode. Oh putain, c'est grave. Non, enfin. Alors que les... la saison dernière, j'avais plus de mal avec l'utilisation et le positionnement de Landry Shamet, qui était plutôt en ailier. Ouais. Là, il joue plus, on va dire, dans le backcourt. Il joue pas forcément avec Clarkson. Bon, ça, c'est voilà, c'est variable. Mais et les match-up étaient clairement pas à son avantage. Donc là, cette saison, défensivement, les efforts sont là, la combativité est là. Offensivement, bah, il est en confiance. Donc voilà, est-ce que l'an 2 de Shamet, pardon, sera l'année de la Shamet Sanity? Je sais pas. Hein. Est-ce que c'est lui qui va finir avec Kylie Jenner? Ça, on le saura. En tout cas, nous, on fait tout pour l'aider, pour rapprocher peut-être tout ce qu'il beau fait monde. Tout ça aussi, justement, peut-être qu'il fait tout ça pour se rapprocher d'elle, pour attirer, tu vois, son regard sur... Lui aussi, il l'a appris, il se dit « Hey je allez, prends des photos, si jamais il y a besoin allez, de faire un shoot, un j'en photoshoot. » J'envoie ce soir. Voilà, est-ce que Landry Shamet va faire le doublé de KNF TV du joueur de la semaine? Et bien ça, on va le savoir après avoir regardé le programme de la semaine à venir. Allez, c'est parti, on regarde ce qui attend les Knicks cette semaine, sans JB et sans OG. Alors je dis sans JB, on sait pas, hein, il va peut-être revenir, c'est un grade 1, c'est quoi, 3-4 matchs, ouais, bon, ouais, peut-être que cette semaine ça va être compliqué. Bon allez, en tout cas on va regarder ce qui se passe dans cette conférence Est, et un petit peu une surprise, bah oui, les Detroit Pistons. Ils ont fait une belle saison la saison dernière, ils ont fait de beaux playoffs, ils nous ont été un petit peu... Ils ont joué un rôle de poil à gratter. Et ben ils sont premiers de la conférence Est, ils se sont inclinés que deux fois ouais. pour l'instant. C'est un petit peu une surprise et une belle surprise pour ils eux. Ils sont sur 9 victoires consécutives. 9 victoires consécutives ils sont. Je ne sais pas quand est-ce qu'on les rencontre, pour sûr, c'est pas cette semaine. Pas cette semaine. Quand est-ce qu'on les rencontre? Bah attends, je peux te dire, j'ai le calendrier sous les yeux. Détroit. Ouh, on les joue pas tout de suite. On les joue pas tout de suite. Putain, c'est loin. Quand est-ce qu'on les joue? C'est loin. Écoute, c'est loin. J'ai l'impression que le premier match, contre Détroit sera à Détroit le 6 janvier. Et ben voilà, on leur souhaite passer un bon début d'hiver. Et d'ici là, si on peut leur rechoper la place de numéro 1, pourquoi pas. Mais bon. En tout cas, voilà, c'est eux pour l'instant les leaders. 11 victoires, 2 défaites, une série de 9 victoires pour eux. Bravo à eux. Derrière suivent les Knicks. Bah oui, finalement, même avec cette défaite face au Magic, un bilan de 8-4. C'est pas si mauvais que ça, hein. On n'a jamais eu non plus de très gros début de saison quand on est fan des Knicks, donc profitons-en. Suivi donc des Cavs, bon voilà, on a un podium qui est pas déconnant. Les Cavs qui sont à égalité avec les Hawks. Les Toronto Raptors. Mais les Hawks, ça marche fort en ce moment, ils sont sur 5 victoires. Ça et il n'y a pas Trae Young. Ça a tapé de grosses équipes, notamment à l'Ouest. Et là, bon, là, cette semaine, enfin, le match de cette nuit, je sais pas si t'as vu l'image, non. Mais en fait, t'as. Ah, Zachary. Ouais, il monte au dunk. Dur. Il monte au dunk, il s'accroche, et en fait, il a ses mains qui lâchent, donc il tape le dunk, et il tombe, paf, complètement, visiblement, il s'est fait mal à la hanche, il est sorti derrière la foulée. Ah, l'image est pas belle. L'image est vraiment, vraiment pas belle. Le pauvre, il était sur un super match là et ça, très triste. Mais ouais, ils sont sur 5 victoires consécutives et tu dis, ouais, tu dis les Toronto Raptors, RG aussi, là, ouais. IQ a retrouvé un peu son niveau sur les derniers matchs, là, ça marche pas mal. Ouais. Bah écoute, méfiance à avoir, les Sixers ça rentre dans le rang et nous ça nous va très bien. Chicago ça a plongé. Hein. Milwaukee, ah. Chicago, ils sont où Chicago? Ah bah play-in. 11ème. Ils sont hors play-in. Regarde, ils sont 11ème. Ils sont sur 5 défaites consécutives. Alors moi je les ai sur au spot de 9, mais effectivement ils ont un bilan de 50% de victoire, mais oui, alors là c'est peut-être sur le screen de, en fait, si tu veux, de la NBA ce matin, qui est pas... Moi je suis sur ESPN, et en fait si tu veux, ils ont une différence au niveau des points à moins 0,5, ouais. Là où Boston a une différence à plus 4,6, et Orlando à plus 1,5. Je pense que ça se joue sur la différence de points. Effectivement, il y a un pourcentage de victoire à 50% pour les Bulls, les Celtics et le Magic. Les Bulls n'ont gagné que 6 matchs et n'ont perdu que 6 matchs, là où Magic et Celtics en ont gagné 7 et perdu 7. Voilà, et puis après, le groupe Eto qui est mené par les Hornets, suivi des... Attends, Nets, mais c'est... Ils ont gagné le Merdico face aux Wizards. Et ouais, du coup, ils sont à 2-11 et les autres sont à 1-12. Attends, quand même, hein. Eh oui. C'est 50% de victoire en plus, quoi. C'est le double, quoi. C'est énorme, quoi. Ils sont sur une série. Voilà. Ils sont sur une série. Les Wizards, qu'on aura l'occasion et la chance d'aller voir à Washington. Et Indiana, bon. Indiana, c'est une tristesse aussi. Indiana, 7 défaites consécutives. Ça prend pile sur pile. Waouh, c'est... Ça va être une saison difficile à vivre pour eux. Oui, Tyrese Haliburton n'est pas là. Pourtant, il leur reste quand même quelques joueurs intéressants. Miles Turner est parti dans le Wisconsin. Mais bon, c'est compliqué effectivement pour eux. Bon. Et du côté de l'Ouest, vite fait, le classement. Oklahoma qui est toujours premier. Denver derrière. Et Denver, attention, on n'en parle pas beaucoup, compagnie, mais attention, c'est fort. Houston aussi, hein, c'est là. Les Lakers, là, on a discuté un petit peu. Les Lakers, et c'est séduisant, hein. Pareil, mais l'équipe... Sans Papy LeBron. Doncic, Reeves, Hachimura, Ayton et Smart. Tu sais que ce 5, avec du Laravia qui sort, c'est pas mal. Hein. Les Lakers, c'est vraiment pas mal. Après, t'as les Spurs, San Antonio. Donc ça finit donc le top 6. Et puis Golden State, donc, qui a gagné, qui est sur 3 victoires consécutives, qui a gagné sa double confrontation contre les Spurs. Phoenix, Portland et Utah qui finissent dans le top 10. Et hors play-in, on a donc les Clippers, les Grizzlies qui sont sur 4 défaites consécutives. Dallas quoi, qui est à ce niveau-là. 4-10 le bilan de Dallas. Sacramento 3-11. Et New Orleans Pelicans 2-11 aussi. Alors, sachant qu'en plus les Pelicans ont balanzardé l'année dernière sur un trade leur tour de draft de cette année sans protection. Donc c'est gratuit. Et ils ont Zion qui est toujours pété. Zion quoi. Ah ouais, non, okay. Mais putain. Il y a des joueurs qui attendent leur trade. Est-ce que qui de Ja Morant ou de Zion Williamson sera tradé le premier? Moi personnellement, en tout cas, à choisir entre les deux, je vais sur Ja Morant. Zion, tu te rends compte un peu, lui. Enfin, ça fait combien de temps maintenant qu'il est dans la ligue? Comme RG, il a quoi? Il a 25-26 ans? Il a 26 ans? Il a fait... Ouais, ça fait 5 ans, 6 ans? Il a fait une saison pleine, le mec? Saisons blanches? Il n'y a aucune garantie sur sa santé, sur son état physique, sur... Zion, c'est... Moi, demain, je pars pas en trade sur lui du tout, hein, c'est... C'est un pari qui pourrait essayer de dire quoi? Les Nets? Les Hornets, mais, les Kings. Non mais un pari, c'est un pari pour du mercat, pour du merch, pour, tu vois, pour vendre des maillots. Parce que du pari sportif, il va te jouer 3 matchs, il va t'en rater 20, il va t'en rejouer 5. Voilà, dites-nous si vous aviez un trade à faire, dites-nous en commentaire. Vous partiriez sur qui? Sur Ja Morant et ses histoires de flingues et tout son bazar? Ou Zion et ses histoires de grossesse et tout son bazar? Je sais pas. C'est vrai que Zion, peste ou le choléra, quoi. C'est vrai que Zion, il y a en plus de ses problèmes physiques, il y a aussi un peu d'extra sportif. Ouais. Et pas des trucs, pas des trucs très, très glorieux non plus. Et finalement, est-ce que finalement cette draft-là, c'était pas RG le choix le plus safe? Mais bien sûr. Et qui a fait ce choix? Les Knicks. Et qui a été tradé en premier? RG. Bon. Voilà, voilà. Allez, nous, on va s'occuper de notre calendrier. On va laisser les problèmes des autres équipes aux autres équipes. Et cette semaine, bah, 3 matchs pour changer. Bon, ouais, 3 matchs. Alors, bon, Seb, t'avais fait un petit pronostic gagnant. T'étais sur un 2-1. On va voir ce que tu pronostiques ce coup-ci. Je le sentais, ce match. Moi, j'étais sur le 3-0 parce que voilà, l'euphorie, j'aime les Knicks et je veux pas les voir perdre. Et on veut pas les voir perdre. Mais bon, voilà, ça me fait faire des paris foireux. Ah là là, Terry Roser. Bref. Eh ben, on retrouve qui ça 3 matchs à l'extérieur. Un peu de Floride, mais entrecoupé du Texas. Voilà, on va commencer par qui donc par le Heat. On les a rencontrés il n'y a pas longtemps sur un parquet bleu. On verra quel parquet ils vont nous mettre chez eux. On va se déplacer ensuite à Dallas, parce que ouais, tu comprends, Dallas, c'est à côté de Miami. Et puis finalement, on va se dire que non, Orlando, c'est plus près de Miami que Dallas. Et on va revenir à Orlando. Voilà un petit peu le sens... un peu attaquant triangle, je serais tenté de dire, d'Enix en termes de trafic aérien cette semaine. Ouais. 3 matchs à l'extérieur, le premier cette nuit, dans la nuit de lundi à mardi, à partir de... 1h30. 1h30. 1h30, ouais, ouais. Derrière un match, conférence Est, ils sont moins sympas ceux-là. Hein. 3h30 dans la nuit de mercredi à jeudi. Et puis samedi, ça sera un match pas en prime time, mais en deuxième partie de soirée pour nous, public français. Il aura lieu à 23h. Ça sera samedi soir. Il n'y aura pas de viewing party samedi. Hein. Non, non, non, non. C'est la viewing party dont on vous parle. Vous avez le flyer et le bandeau qui rappellent l'événement sur la partie droite de la vidéo. Ça sera le dimanche 7 décembre. Ça sera contre Magic. Oui, oui, oui. Mais là, sur ce match 3, ben voilà, ça sera à Orlando et ça sera ce samedi. C'est dire que les Knicks auront déjà joué 4 fois le Magic jusqu'à arriver au mois de décembre. Après, on ne les rencontrera plus. Donc, si d'aventure nos parcours se croisaient en play-off, eh ben, il faudra attendre le printemps pour pouvoir revoir ces deux équipes s'affronter. Voilà, voilà le programme de cette semaine. Tu vas nous donner un petit peu les forces en présence, sachant qu'il y a des équipes qu'on a déjà jouées, mais il y a peut-être des blessés, il y a peut-être des retours. Et puis, voilà, on se parlera du match immanquable et de nos pronos. Alors, Seb, cette semaine... Alors, ben, donc, tu l'as dit, on débute 3 matchs à l'extérieur. Donc, le premier contre le Heat. On vient de faire un débrief du match précédent. Bam Adebayo toujours annoncé non présent, ainsi que Tyler Herro. Normalement, ils ne seront pas là ce soir. Donc, on aura la même configuration. On aura la même configuration. Attention, parce que Norman Powell est super joueur. Norman Powell, waouh. Et lui, tu sais que lui, cette année, je pense que c'est un vrai candidat All-Star du côté du Miami. C'est vraiment sérieux, Norman Powell. Enfin, bref. Donc, voilà où on en est. Et ils sont comme nous. Ils n'ont pas joué. Ils ne joueront pas. Donc, voilà. Là, au prochain match. Tout le monde est frais. Tout le monde se retrouve. Et ça sera le match 3. Le retour à Miami. Voilà. Alors ensuite, les Dallas Mavericks. Donc nous avons Anthony DNP Davis qui ne sera pas là. Donc toujours blessé. Dante Exum blessé. Et Kyrie Irving toujours blessé. Donc 3 joueurs, notamment de rotation, donc 2 stars. Ceci dit, ils ont quand même le petit Cooper Flag là qui se montre. En puissance, ouais. Ouais, ouais, ouais, qui se montre pas mal. Hein. Je veux dire, il a été plusieurs fois ces dernières semaines meilleur marqueur de son équipe. Donc là-dessus, leurs 5 derniers matchs, bon, 2-3, 2 victoires, 2 défaites, 2 victoires contre Washington et Portland, 3 défaites contre Milwaukee, Phoenix et Clippers. Leurs 2 derniers matchs, ils sont allés en prolongation quand même. Et avant de nous jouer, ils joueront Minnesota à Minnesota, c'est pas cadeau. C'est pas cadeau. Et je pense qu'on est peut-être quand même sur les bases d'une défaite. Parce que Minnesota, ça marche pas trop mal. Donc voilà. Et après, Minnesota, ils joueront contre nous. Donc eux, ils vont faire Minnesota-Dallas. Je veux dire, ils traversent la France, les mecs. Hein. Si, même plus, même si, pas si on se rend compte des distances. Oh, mais... Les États-Unis, ils le font pas en voiture. En bus, en stop. Voilà où on en est pour concernant les Dallas Mavericks. Et on a dit qu'ils sont sur un bilan de 4-10 assez désastreux. Et enfin, Orlando, Paolo Banchero est blessé. On n'a pas encore de date de retour le concernant. Jalen Suggs aussi blessé. Mais lui, il est plus en day-to-day. Donc, est-ce qu'il sera là? possible, parce qu'on parle quand même d'un match en fin de semaine prochaine, donc je pense qu'il sera là. Et Moritz Wagner, lui, par contre, ne sera pas là contre les Knicks, ça c'est annoncé. On aurait préféré avoir ce Wagner-là plutôt que le Franz, mais bon, voilà. Ouais. Même avec un masque, le Franz, il nous a fait du sale, donc ouais. Faut s'attendre encore à avoir une belle opposition. Kaiser Franz, voilà. Ouais. Eux, sur leurs 5 derniers matchs, ils sont sur un bilan de 3-2. Ils ont perdu contre Boston et ils ont perdu en prolongation contre Houston. Et ils ont gagné Portland, les Knicks et Brooklyn. Voilà, avant de nous jouer. Alors, je me demande s'ils ne sont pas en back-to-back contre nous, d'ailleurs. Parce que Friday 21 novembre et ensuite Saturday, ouais, Saturday 22. Donc je et crois qu'ils seront. Un Saturday plutôt de bonne heure pour les, ouais, Américains. Donc je pense qu'ils seront. Ça pourrait être un petit avantage. Ils seront en back-to-back et semaine pas facile. Ils jouent Golden State. Bon, tout à la maison par contre. Tout à la maison. Ils jouent Golden State, ils jouent les Clippers et ils nous jouent nous ensuite. Okay. Voilà un petit peu pour le calendrier les concernant. Les adversaires à venir. Bon, toujours la traditionnelle question, c'est quoi le match immanquable? Si on ne peut en voir qu'un cette semaine, lequel faut-il ne surtout pas louper, même si on sait qu'on va les regarder tous? La revanche contre Orlando. Il faut, ah oui. Il faut les faire payer ce qu'ils nous ont fait, il faut aller les battre là-bas chez eux et récupérer notre victoire. Effectivement, on est déjà sur deux victoires pour le Magic. Sur une confrontation, il y aura quatre rencontres. Il serait bon s'il y avait une histoire de goal average, si on se retrouvait à être un petit peu avec un même bilan en fin de saison régulière. Ça pourrait être intéressant de voir si on est en capacité de les battre et de rééquilibrer un petit peu ce bilan. Effectivement. Moi, je vais plutôt miser sur le hit. Allez, vas-y, entre Mickey ou South Beach, je vais partir sur South Beach. Mais pourquoi? Pour voir si on est en capacité d'enchaîner. Justement, face à un même adversaire. On avait perdu chez eux. À voir si on arrive là, en plus, avec les blessures qu'on connaît. À voir comment Mike Brown rééquilibre, ouais, son effectif ou pas. Est-ce qu'on fait une rotation à 8 ou pas? Question aussi d'être questionable pour Deuce McBride. Donc, je suis très impatient de voir un petit peu qui va jouer. Est-ce que ça va être le collect time? Chaque fois que je l'annonce, non. Mais à force de ne plus avoir de meneur... Peut-être que c'est Chamed qui va être à la main, je sais pas. Ou Clarkson, voilà, faut s'attendre un petit peu à tout. Mais maintenant que OG est blessé, est-ce que Gershon va être positionné au poste 4 ou est-ce que notre ami Mike Brown va s'entêter à vouloir le faire jouer en 5 derrière Mitchell Robinson et juste devant Ariel Luke-Porty? Bon, en tout cas, voilà, c'est pourquoi j'ai envie de voir avant tout ce match, même si le match face au Magic, je le crains plus que je suis impatient de le voir. Ouais, non, mais il y a... Franchement, il y a pas mal de choses sur ce match. Comme tu l'as dit, la rotation, comment on va la jouer. La capacité à enchaîner sur un même adversaire, ouais, c'est toujours particulier. Non, mais ce... que ce soit c'est cette pas un back-to-back, mais... Que ce soit cette semaine ou ce match-là précisément, voir comment Mike Brown va rebondir, quoi. Je veux bien qu'il ait laissé sur le dernier match contre le Heat ses mecs en forme et du coup, ils ont eu de gros temps de jeu. Ça, je veux bien dire, allez, d'accord, ok, rotation à 8, mais les mecs étaient on fire, tu les laisses, ouais, c'est logique. Là, tu pars sur un nouveau game, donc à voir comment il va le préparer, c'est vrai que très curieux. Est-ce que Chamet va être encore en feu? Est-ce qu'il va faire plus que 36 points? Ça va être intéressant. Je veux dire, la défense du 8 n'a pas trouvé de solution. Est-ce que là, maintenant, ils vont le cibler? Et en même temps, 4 aussi avait fait un gros match. Prise à 2. Non, ce match est... Ouais, mais si tu fais prise à 2 sur Chamet plus prise à 2 sur 4, les autres, ils vont se régaler. Bon, non. Est-ce qu'on va voir un Mikal Bridges game? Je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, c'est le match que j'ai envie de voir. Après, c'est pour lancer la semaine aussi. Et c'est toujours mieux de démarrer par peut-être une victoire. Alors, justement, les pronostics, parlons-en. La semaine dernière, honneur à toi, tu avais tout bon, hein, avec un 2-1. Cette semaine, qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal? Est-ce que tu vois 1, 2, 3 victoires? Est-ce que tu vois 1, 2 ou 3 défaites? Je nous vois en négatif. Oui. Une victoire et 2 défaites. Ah oui, une victoire à l'extérieur, parce que ça aussi, on ne l'a pas dit, mais les Knicks n'ont pas gagné à l'extérieur pour l'instant. Une victoire et 2 défaites, alors où est-ce qu'on irait chercher cette victoire? En Texas ou en Floride? On va la chercher en Floride. Ah, mais où? Au nord ou au sud de la Floride? On va la chercher chez Mickey. On perd les deux prochains matchs, on perd contre le Heat et on perd contre Dallas, même si, mais je nous vois perdre quand même contre Dallas et on gagne contre le Orlando Magic, un peu à la surprise. Voilà. D'accord. Parce que je me dis quand même que eux, leur calendrier est vraiment pas terrible cette semaine. En plus, avec ce back-to-back, on est le deuxième match du back-to-back. En sachant qu'ils vont jouer quand même avant nous contre les Clippers. Donc, ça peut pourquoi pas partir en prolongation chez eux. Donc, je me dis qu'on peut exploiter un peu peut-être cette défaillance physique, un peu cette fatigue. Mais là, au Heat, ah, je sens que ça va coincer. Et Dallas, même s'il manque du monde, bon, voilà. Je me Ok. dis. Compliqué. Voilà. Pronostic enregistré. Bon, est-ce que moi je vais partir sur un 3-0 pour changer? Ou Ah peut-être un 0-3, peut-être 3 défaites. Non, non, non, non, non. Je vais être un peu plus mesuré. Je vais partir sur 2 victoires, une défaite. Tiens donc. Et donc, cette victoire, cette défaite, je pense qu'on va perdre en Floride. Je pense qu'on va gagner dans le Texas, mais je pense qu'on va perdre en Floride. entre des mecs habillés en rouge ou des mecs habillés en bleu? Ah, bah alors je sais pas comment ils sont habillés, j'ai pas regardé un petit peu leur prévision de vestiaire, Est-ce que d'uniforme. c'est des mecs qui font des tours de magie ou des mecs qui sont en chaleur? Ah, bah je pense plus c'est ça, ceux qui vont faire des tours de magie. Je vois plutôt une victoire des Knicks ce soir face au Heat. Alors oui, il va manquer du monde, oui, OG qui manque, ça va être aussi préjudiciable parce que même si c'est pas lui qui apporte du scoring, il apporte de la défense. Ceci dit, on a réussi à gagner sans lui face à ce même hit. Donc à voir. Mais en tout cas, non, je me dis que il y a peut-être moyen de passer face à ce hit, d'être sur cette confiance. J'espère en tout cas. Donc moi, j'ai envie d'y croire. Une victoire des Knicks face au hit. Et puis bon, voilà quoi, les hits, ça se. Hein, vous savez pourquoi. On a une affection particulière avec ces gens de Miami. Et puis toujours battre Pat Riley chez lui, c'est toujours un plaisir. Indescriptible. Donc voilà, enchaîné derrière avec ce déplacement dans le Texas. Oui, le Texas, les Mavs sur le papier, c'était une belle équipe. Dans les faits, c'est plus compliqué. Cooper Flagg, est-ce qu'il va faire la différence? On verra quand il viendra au Madison Square Garden. En attendant, on va aller chez lui. Et je me dis que quand même, là-dessus, les Knicks devraient avoir une force de frappe supérieure à celle des Mavs. Même s'il manque du monde côté Knicks, et ça va être une semaine compliquée. Mais voilà. Avec un Gershon retrouvé, peut-être que ça serait le match de Gershon, justement, cette semaine. Hein? On ne sait pas où, mais peut-être. Allez, on va essayer d'y croire aussi. En tout cas, non, j'ai envie d'y croire. Et par contre, je me dis que, ouais, ça a été toujours compliqué face au Magic. Ça l'était les saisons précédentes. Là, il va nous manquer et du GB. Je pense pas que GB va revenir cette semaine. Il va nous manquer du OG aussi. Et on n'a pas réussi à contrecarrer ça quand on était au complet. Donc, non, non, non. Pour moi, ça sera compliqué. On risque de finir par une défaite samedi soir. Ça va nous pourrir le week-end. Mais voilà, pour moi, ça sera un 2-1. Deux victoires en début de semaine. Ça y est, on gagne à l'extérieur. On casse la malédiction. On a un bon bilan. On arrive à 10 wins. Mais on finit en 10-5 à l'issue de la semaine avec une défaite face au Magic qu'on débriefera la semaine prochaine, lundi, pour l'épisode 136. Voilà mon pronostic. Tout est détaillé. Voilà, on verra si. Ma boule en cristal dit plus vrai que la tienne. Ou alors elles sont toutes les deux un peu floues, un peu achetées sur Temu, sur Wish ou sur Shine, je sais pas quoi là. Bref, on verra tout ça. Dites-nous en commentaire quel est votre pronostic sur cette semaine. Bien sûr, on sera au rendez-vous pour regarder tout ça, pour vous débriefer tout ça. On se retrouvera jeudi aussi pour Knicks Together avec l'ami Chapi pour débriefer la semaine entamée des Knicks. Et puis nous, on va vous donner rendez-vous lundi prochain, même endroit, même heure, KNFTV, 18h30 à partir du lundi. Et puis en replay sur les plateformes de streaming, tout ça, dès que l'on peut les mettre en ligne. D'ici là, voisin du dessous. Bonne semaine à toi. On Ciao. va prier pour JB. JB revient. JB revient. Tyler, tu peux peut-être jouer un peu. Kershon. C'est pas parce que t'es français que t'as pas le droit de jouer, je veux dire. C'est quoi cette histoire, Mike? On va appeler Mike, on va appeler Kylie, on a beaucoup de monde à appeler. Donc on va rendre l'antenne. On va On vous essayer de dit bonne semaine. rabibocher Kylie et Timothée. On va essayer de voir. On va essayer de faire ce qu'on peut faire. On va essayer de ce qu'il faut faire. Les Français ont pu à côte à New York. C'est pas normal. C'est pas normal. Allez, portez-vous bien, rendez-vous lundi prochain, même endroit, même heure. D'ici là, let's go Knicks. Ciao, ciao!